Yeah, on fait tourner le mic comme le bout de la mer à Sarko. Des phrases clichés comme ça, j'en ai en cargo. Y'a pas de verre chez nous, que ça sent les narcos. Ils comprennent pas notre malaise, maintenant ils veulent comprendre notre argot. Yeah, si je concentre mes neurones sur ce bout de papier, si je fais pisser le stylo comme un acharné, c'est que dans la vie rien ne m'a charmé, à part ce truc que je maîtrise alias la rime. Yeah, mes envies de percer, ça fait long time que je les ai noyés dans la cuvette des WC. Rien à foutre du bis, faut juste du bif. Les MC à la mort, moi neuf, font tous du vice. Yeah, aujourd'hui je suis résigné, si personne veut me signer, c'est que ça devait pas arriver. Je fais ça à l'instinct, on sera jamais d'accord avec ceux qui comprennent pas pourquoi je fais du rap jusqu'à la mort. J'ai la voix rouge, bah c'est grave avec le ton posé, pas le temps de causer. J'ai une mi-faille, mais visagérée, faut pas exagérer. La rime et le crime paient, pour peu de gens, arrête ta frime, lève pas les bras, lève le pied. Opération pifton pour être trompé, même si c'est tendu, aucune envie de finir vomi, tu ne pendule le rap. C'est le jeu de la mort, tu peux parier, donc barrer à 6 balles, tu t'es fait rouler à la roulette russe. Contente-toi du bus et oublie Phuket. En Airbus, commande un sandwich grec frit et oublie le Phuket. Joker, rap game, c'est 36-15 traquenard. On est en France, nanar. Arrête tes roulés game. W.F.R.I.Z.Z.R. Comme d'hab, de la bière, du shit, de la BR. Et moi, à vrai dire, j'ai plus de chien à dire. Corse ou alias personne, rap game, ouais, K.R. 07 pour 08.